Thank you.

Ay, ay, ay, ay, yo. Ay, ay, ay, ay. De Cressy. Je vais aller manger. Nice, thanks all. Putain, ça va les mains, mec. Putain, tu dois avoir les mains solides hein, maintenant. Putain, tes mains elles vont sous le. Tu peux mettre tes mains sous le feu, tu peux. Tu peux prendre une balle dans tes mains et qu'elle elle transvercerait presque pas, quoi. C'est incroyable ça. Impossible de te couper avec des mains comme ça, en faisant la cuisine. C'est ça qui est bon. Si j'avais la place, putain, je prendrais des. Si j'avais la place dans mon appartement, je prendrais des trucs pour taper dessus comme un porc. Mais bon. J'ai rempli l'appartement, quoi. Bon, allez. À toutes.